Encore mieux. Une série de lectures proposées par France Culture et le Théâtre du Rond-Point. Texte d'Alexandre Vialat, choisi par Jean-Michel Ribes, lu par Héloïse Wagner et Philippe Magnan, enregistré en public au Théâtre du Rond-Point à Paris le 18 juin 2015. L'homme étrange du Mardi Gras. L'homme ne cesse de se chercher à travers l'apparence. Il se poursuit comme un fantôme. Platon en fait un poulet plumé. L'homme est un animal à deux pieds sans plumes. Linné le classe avec la chauve-souris. À cause de ses mamelles pectorales. Pascal, lui, greffant des ailes d'ange sur la nature la plus sordide, le considère comme un rat volant. Darwin veut qu'il descende du singe et les derniers progrès de la science le font remonter au sélacanthe, qui est une espèce de goujon madécasse. Des aventuriers de la pensée, des risque-tout de la zoologie, voudraient même qu'il descendît de l'homme, ce qui supposerait qu'il était né avant lui-même. On voit par là où nous allons. Le peu de sérieux de cette hypothèse ne lui laisse pas beaucoup de défenseurs, mais elle fait voir jusqu'où l'homme peut aller se chercher. C'est un besoin qui s'exaspère le Mardi Gras. Le Mardi Gras est un effort de l'homme pour essayer de devenir lui-même. Il se cherche à travers sans costume. Il lui arrive même de se rencontrer. Il se coiffe d'un chapeau pointu, il l'orne d'une plume d'oiseau-mouche. Il s'entoure les mollets d'une épaisse peau de mouton, il la retient par ses lanières entrecroisées que le brigand calabrais affectionne sur toute chose. Il s'arme d'un pipeau et d'un tambour de basque. Il se poursuit parmi ses accessoires, il se cherche à travers lui-même. Il finit parfois par se trouver. Le président du tribunal met le masque de Fernandelle, le sous-préfet se costume en bergère, l'instituteur se coiffe d'un casque grec, la ménagère se déguise en peau rouge, l'industriel en monarque africain. Il arrive même à l'homme, suprême dépaysement, de se travestir en lui-même. Fantomas, au tome 6, se déguise en anglais. Or, il est sujet britannique et sergent dans l'armée anglaise. Et j'ai entendu des enfants, s'ornant de turbans et de voiles d'infirmière, déclarer « Alors, on serait nous ?» Tel est le besoin d'où naquit l'homme de lettres. Tel est le désir qui fit Napoléon, les Confessions, les Mémoires d'Outre-Tombe, Cécile Sorel et tout autobiographe. Tel est l'homme à travers ses songes. Il se rêve lui-même. Ensuite, il lance des serpentins dans des brasseries. Il s'y assied sur des banquettes de Moleskine en face de céramiques qui représentent des paons, des glaïeuls et plusieurs sortes de dames blondes nées du théâtre de Maeterlinck. Il mange du mouton mort et des huîtres vivantes. Il les arrose d'un filet de citron. Il s'entoure de bouteilles glacées qui baignent dans des seaux d'argent, de 5 sortes de pots de moutarde et de bocaux qui contiennent des oignons, des choses vertes et des choses rouges vifs. D'une main, il brandit un verre, de l'autre, une fourchette à escargot. Léger comme une ombre chinoise, il s'estompe derrière sa fumée comme un village dans les vapeurs de l'aube. Au-dessus de lui, on voit surnager la tête rouge des maîtres d'hôtel, et parfois même leur buste tout entier, pareil à celui d'un homme célèbre. L'un ressemble à Caton et l'autre à Démosthène, un autre à Gaston Gallimard, plusieurs à des prédicateurs illustrés par un grand carême, certains à Mussolini, le Mussolini de la période grasse, à Marcel Jouhandeau, à Cocteau, à Damia, à des supérieurs de séminaire, à des banquiers qui ont éprouvé des revers, à Marguerite Moreno vieillissante, et à des chiens anglais bien tenus, ceux qui ont des oreilles molles et la bouche dégoûtée. Plusieurs ont des profils d'empereurs. Leur menton gras dit leur autorité, leur calvitie trahit leur importance, leur accent la banlieue de Toulon. Ils servent de vrais rois costumés en chaisières, des académiciens déguisés en puma, des juristes considérables qui se sont fait le museau bleu pastel du cynocéphale gabonais, des sexagénaires au teint rose qui hennissent à l'intérieur d'une tête de cheval, en carton-pâte, dans la vapeur des viandes. Des pichets de bois cerclés de cuivre contiennent le Beaujolais nouveau. De minces bouteilles, un vin d'or pâle couleur de clair de lune rainant, qui sent le vieux micelle, la rose sèche. Le marcassin s'entoure de marron, la saucisse de Strasbourg se détend sur un lit de choucroute. La tête de veau ferme les yeux. Autour d'elle, des notaires à trompe, Des professeurs à pinces et des docteurs à cornes ont l'air d'un concile d'éléphants, de homards, d'esprits infernaux. C'est ainsi que l'homme du Mardi Gras, se cherchant à travers l'apparence, se trouve perdu dans un cauchemar de Jérôme Bosch, au sein d'un folklore diabolique où le chameau tartare sue de la tête, bave de la bouche, élève des yeux injectés de rouge sous de longs cils blancs, au milieu de bergers tyroliens et de dames à tête d'écrevisse. Perdu parmi ses dieux à trompe et ses déesses aux yeux de grenouille, il se forge de l'univers une vision glorieuse et terrible. Ses joues deviennent luisantes de sauce, il a du civet dans la barbe, il l'essuie rapidement avec un chiffon sec. En même temps se développent en lui des sentiments affectueux. Il chante en chœur, il danse en rond, il éprouve pour sa belle voisine des sentiments d'admiration, d'estime et de totale sympathie. On a vu en 1904 plusieurs quinquagénaires dodus, sérieux, de mœurs irréprochables, timides dans la vie quotidienne et même amis du bien public, ébaucher le soir du Mardi Gras 4 idylles 5 en 6h54. C'est un chiffre des statistiques. Et le fait s'est, paraît-il, répété fréquemment. C'est ce qui prouve combien l'homme se révèle à lui-même dans le désordre des victuailles, sous le masque du chapeau pointu. Résumons-nous, c'est le Mardi Gras que l'homme découvre sa vraie nature, qui est de se vautrer dans la choucroute et de patauger dans la boisson. Mais voici que le garçon range les chaises deux par deux, dans des positions symétriques, et qu'on répand sur les planchers de la sueur de bois. Le gérant ne laisse plus qu'une ampoule allumée. L'homme passe à genoux sous le rideau de fer qui retombe sur la devanture jaune. Il se retrouve seul à seul, dans la nuit et la neige, avec la lune et son âme immortelle, en face d'une avenue de peupliers. La route est noire et la géographie confuse. Il mouille son doigt pour savoir d'où vient le vent. Il cherche en vain l'étoile polaire. Il se règle sur le cours des fleuves, qui est la suprême loi du nomade. Il descend à tâtons dans le ruisseau du lavoir. Son chapeau de postillon s'en va au fil de l'eau. Il se cramponne à son corps de chasse. Il se retrouve sous le café de Paris. Ému soudain sous une voûte glaciale de tant de silence, de ténèbres et d'humidité, il sonne du cor à perdre haleine en mi bémol. On accourt, on descend par les échelles de fer. On le remonte, on le cogne au passage, on le met au four, on le frotte avec un torchon sec. On le râpe, on le désincruste. On l'oint, on le parfume, on le désodorise. On le flagelle au moyen de serviettes nid d'abeilles. On lui brûle légèrement les pieds avec une allumette suédoise pour savoir s'il est bien vivant. On le ranime et on lui fait honte. C'est ainsi que l'homme, s'étant cherché tout le Mardi Gras parmi lui-même, se trouve enfin à l'aube dans le ruisseau. C'est déjà le mercredi des cendres. Memento quia pulvis es. Il a trouvé sa vraie nature. Il n'est que poussière. Il relève du plumeau. Faits divers. Le premier geste de l'homme a été de tuer son frère, avec une pioche. Et depuis cette époque, il n'a cessé de récidiver. Tantôt avec un sabre courbe, tantôt avec un couteau de cuisine, tantôt avec étourderie, tantôt après mûre réflexion. Tantôt avec le coup de pied de l'âne, tantôt dans un poêle à trois trous. On a retrouvé à Gambet, dans celui de Landru, le 29 avril 1919, 996 grammes d'ossements humains réduits en poudre, une jarretière et les cadavres de trois chiens. Sans compter 3,5 kg d'eau de mouton, de rats et de poules. Après quoi, l'homme s'est tué aussi en montgolfière. Il a assassiné des rois, il a fait la guerre de 100 ans, il a montré des veaux à deux têtes dans des baraques un peu obscures et l'homme des îles Fidji qui mange du lapin cru. C'est cet ensemble de circonstances exceptionnelles qu'on a appelé des faits divers. La pioche originelle s'étant diversifiée. Romy en a fait un album. On y prend un plaisir extrême. Parce que l'homme aime l'odeur du sang. Tout au moins du sang imprimé. Du sang de journal, du sang qu'on raconte à la une. L'homme qui ne ferait pas de mal à une mouche aime tuer par procuration. À travers les héros du crime, il assouvit son sadisme sans risque. Et en même temps, il adore avoir peur. Les enfants redemandent l'histoire qui fait frémir. Pour que ce soit beau, il faut que les cheveux se dressent sur la tête, autrement on n'est pas content. Si Barbe Bleue ne tuait pas ses femmes, dit Anatole France, l'histoire en serait moins jolie. Aussi, les reconstitutions judiciaires attirent-elles l'homme, comme le cadavre les mouches bleues. Si le soleil brille, il vient en foule. Les forains le savent et se mettent en marche. Ils vendent sur le théâtre du crime des tranches napolitaines et de la barbe à papa. Pendant que l'assassin retue l'octogénaire qu'il avait jeté sous un buisson après lui avoir écrasé le crâne et le piétine avec frénésie en sautant à pieds joints sur sa cage thoracique, le petit marchand vend de la bière en canette et s'entoure d'une poussière dorée. Femme. Il y a des femmes qui chantent la Marseillaise, drapées dans le drapeau tricolore, d'autres qui attendent l'autobus 27 au coin du boulevard Arago. Il y en a qui rappellent leurs chiens, il y en a qui jouent du tambour dans l'orchestre des Hirondelles, d'autres qui sont parents d'élèves, et d'autres qui volent des lapins. On voit par là leur infinie diversité. C'est pourquoi il est difficile de prendre une vue synthétique de la femme et de faire d'elle un tableau complet. Le docteur Garnier a réussi pourtant en 1883, dans son beau traité du mariage, à la page 196, à établir d'une façon générale que la femme a la graisse plus blanche et bien plus fine que celle de l'homme, et le genou plus gros et plus rond. Elle a également 10 ans de moins. Cet âge inférieur à celui de l'homme change aussi bien moins fréquemment. Balzac pose en principe que les 10 plus belles années se situent pour la femme entre 29 et 30 ans. C'est au cours des grandes migrations que la femme donne sa plus belle mesure. Elle jette pêle-mêle les enfants et les sacs dans les hauts chariots à roues pleines. Elle les bâche, elle attelle elle-même les chiens de traîneau. Elle fait le coup de feu contre les peaux rouges. Elle rattrape à l'étape les juments égarés. C'est elle qui boulange rapidement ses gros pains d'orge ronds et mous d'un brun verdâtre qui sont le vrai pain de grande migration. Elle lance aux chiens et aux pintades leur ration de farine et de poisson. Elle ramasse sur la piste avec beaucoup de mérite, dans des cabas en sparterie, les crottes du chameau et du yak, qui constituent le seul combustible tout le long du désert de Gobi. Elle plie en 4 les journaux que les hommes glisseront entre leur peau et leur chemise pour se protéger des grands froids. Elle bouche parfois les fissures de l'igloo. La femme se compose essentiellement d'un chignon et d'un sac à main. C'est par le sac à main qu'elle se distingue de l'homme. Il contient de tout, plus un bas de rechange, des ballerines pour conduire, un parapluie tom-pouce, le noir, le rouge, le vert et la poudre compacte, une petite lampe pour fouiller dans le sac, des choses qui brillent parce qu'elles sont dorées, un capuchon en plastique transparent et la lettre qu'on cherchait partout depuis 3 semaines. Il y a aussi, sous un mouchoir, une grosse paire de souliers de montagne. On ne s'expliquerait pas autrement la dimension des sacs à main. La femme remonte, comme je l'ai déjà dit, à la plus haute antiquité. Elle a une très grande importance. Sans elle, l'homme serait orphelin. Il vivrait comme un veuf, au café du progrès, en buvant du vermouth cassis jusqu'à des 2 heures du matin et en fumant des cigares bon marché. Son foie n'y résisterait pas. Ses doigts seraient jaunes de nicotine. Il mènerait une vie misérable qui le conduirait rapidement au tombeau. Ses orphelins seraient inconsolables. Privé de bachots et même d'études sérieuses, par de si tristes circonstances, il fréquenterait des compagnies douteuses. Il vivrait de hold-up, de rapine, d'autostop. Il se laisserait pousser les cheveux jusqu'aux omoplates et la barbe jusqu'au nombril. Il fumerait de la marijuana. Il se mettrait des colliers de fleurs. Il se décalquerait des pivoines sur le front et des femmes nues sur la poitrine. Il s'assiérait sur le bord des trottoirs et il jouerait de la mandoline dans les capitales étrangères. Et parfois même du banjo hawaïen. Homme. Il n'est rien de plus étrange que l'homme. Que fait-il? Il plante des radis. Observez-le et vous verrez que c'est vrai. On n'ose jamais assez imaginer combien l'homme est en train de planter des radis. Ou alors, il cherche à le faire croire. En tout cas, chaque fois que je le regarde, il est en train de planter des radis. Il a un petit tablier bleu, il jette une planche sur un carré de terre nue, bien noir, bien propre, bien friable, et il plante des radis. Ou alors des salades. Des petites salades qui ont des feuilles transparentes. De toute façon, des légumes minuscules. C'est un jardinier japonais. Ou alors il se cure les dents, il ronge un os, il ouvre une boîte d'anchois, il démonte une montre-bracelet, il dessine la coupe d'une sauterelle, il porte une assiette au client, il écrit des nombres de 3 chiffres, quelquefois de 4, jamais de 100. Résumons-nous. Il ne fait que des gestes minuscules, il ne fait que des jardins du Japon. Et tout à coup, il y a des parcs à la française, des cathédrales, le château de Versailles, des locomotives, des paquebots, des guerres mondiales, des villes flottantes, la tour Eiffel, des barrages de 100 mètres, des cataclysmes nationaux, 25 000 ans de civilisation aztèque, que sais-je, le prix Goncourt, des concours de grenouilles et des livres sur l'écrevisse, des boules de fer qui emportent un chien mort ou des mouches ou un homme à travers les étoiles. L'homme date des temps les plus anciens. Les manuscrits du Moyen-Âge mentionnent déjà son existence, sur des images à fond doré. Ils le représentent chassant le loup, le canard, ou même la sarcelle en culotte rouge et en petit chapeau vert décoré d'une plume de poulet, ou alors entouré de licornes, et aussi mangé par des lions, ou pliant le genou devant une dame, ou attaquant des châteaux forts sur des lacs suisses avec une petite culotte bouffante, des manches gigots, des piques très compliquées, des pertuisanes dont le fer a l'air d'une lettre arabe, des canons, des boulets en pierre, sur des radeaux que les assiégés repoussent du pied en brandissant des couteaux de cuisine. Et d'autres fois, on le voit assis sous un ombrage avec un paon blanc à ses pieds, ou résistant aux tentations. Il est dans une petite cabane avec un toit de roseau, tout chauve et tout barbu. Son poil est même si long qu'il se marche sur la barbe, et il résiste aux tentations. Il se nourrit de sauterelles très maigres et de poussière fine. Un corbeau lui apporte du pain, mais pas beaucoup. Disons, tous les 8 jours, une petite baguette de 700 grammes, du pain rassis qui fait peur aux démons. C'est par là qu'il les décourage. Et d'autres fois, on le voit brûlé par Philippe le Bel sur des bûchers dressés au fil à plomb d'une géométrie scrupuleuse. On voit par là combien l'homme existait déjà bien avant la guerre de 1870. Voilà, l'homme vit d'espoir et il meurt de chagrin. Il ne reste de lui dans le couloir qu'un chapeau mou sur une patère et dans la penderie un raglan, couleur gris fer, en l'Odène du Tyrol. Quelquefois, un rayon de soleil passe par l'imposte de la porte qui donne sur le perron du jardin et vient se poser comme un doigt jaune sur le chapeau mou. Il n'en tire aucun reflet, car l'étoffe est trop terne. L'homme, de son passage sur cette terre, laisse derrière lui un sillage gris, une pénombre de vestibule, un chien sans maître et une porte fermée. Novembre. Novembre commence mal et continue en pire. Il s'ouvre sur la fête des morts, journée austère et désolée, et continue par des pluies noires, la boue, la brume, le froid, la nuit, à peine coupées les années indulgentes par le soleil jaune de la Saint-Martin. Les chrysanthèmes pourrissent et les souliers prennent l'eau. L'homme se ratatine sur lui-même, se rétrécit et se bande comme un ressort. Il lui en vient un nouveau dynamisme qui se traduit par un immense besoin de choucroute et de chasse aux loups. Le temps généralement sinistre de la première quinzaine de novembre se modifie dans la deuxième quinzaine pour faire place à un temps plus noir, plus glacial et plus désolé. L'odeur froide du céleri qu'on remue dans les jardins pour le replanter plus profond dans le terreau traîne entre les arbres sous les feuilles. Un poirier qui en a gardé 2 ressemble à un mobile de caldeire. Pourchassé par un vent jaunâtre, 3 pailles boueuses tournoient dans le chemin vide et 3 corbeaux dans un ciel sans espoir. Les astrologues nous prédisent des pluies fines, d'autres des pluies épaisses, d'autres sont pour la neige et le tonnerre n'est pas impossible. C'est ce qu'on appelle à la légère le mauvais temps. Les bénéfices de la pluie fine sont innombrables et même de la pluie épaisse. Tous nos malheurs, a dit Pascal, nous viennent de ne pas vouloir rester dans notre chambre. La pluie fine nous y retient. Nous descendons alors au plus profond de nous-mêmes par de petites échelles de fer, des escaliers glissants et des couloirs humides. Nous y trouvons, à droite, nos souvenirs de régiment et, à gauche, nos souvenirs scolaires. Plus bas encore, les pires instincts. Plus bas encore, des ténèbres incroyables, dans des oubliettes effrayantes, dans des cloaques qu'on se refuse à nommer, des fantômes si griffus, des monstres si velus et des larves si chauves que nous remontons à toute vitesse et nous nous replions en désordre. Car l'homme fait toujours peur à l'homme quand il le rencontre en lui-même. Il se jette dans la rue, il entre au cinéma, il y voit Fernandel qui l'assure gentiment dans un sourire de cheval mondain qu'il s'appelle Barnabé ou Ignace ou Jocris et que c'est un prénom adorable. Il se réconcilie avec l'homme. Tel est le bénéfice des pluies fines. Elle lui enseigne qu'il vaut mieux s'appeler Jocris que de chercher son véritable nom. Voici novembre, avec ses flaques brillantes dans les allées d'épicéa qui mènent aux vieux domaines ruraux. Le grand môle n'a passé par là. Le chien rentre au logis tout mouillé. On le pendra à un fil de fer pour le faire sécher, dans le vestibule, au moyen de deux pinces à linge, une pour les deux oreilles, une autre pour la queue. On le laissera s'égoutter lentement sur un petit tapis jaune citron ou vert nil, en caoutchouc mousse, comme on en met dans les salles de bain. Le jour des morts le retrouve tête nue l'année suivante, au milieu d'un grand jardin triste, orné de croix et de roses en faïence. Il s'y rappelle, comme les images d'un film usé, son père, qui était un homme si digne, et sa mère qui portait des cerises à son chapeau. La tante Fanny qui avait des bijoux de jais, des bijoux noirs sur des robes noires, les portraits du salon, le barbu, le cavalier, l'artilleur, le poète, les petites cousines qui allaient à bicyclette, de grands morts en capote bleue qui lui viennent de 14, des petits morts en robe blanche, on ne sait d'où. Il se demande où il a vu ces choses, où tout ça a bien pu se passer. Il mesure la courte distance qui le sépare encore de la tombe. Il se demande quel est ce pays où l'homme ne s'habitue jamais sans étonnement ni à la mort, ni à la vie. On meurt en songe, on vit en rêve. Il entre chez lui, il bourre sa pipe, il compte ses morts, il boit un verre, il chante avec ses petits-enfants. L'homme de novembre est un homme menacé. Le ciel est noir, les arbres nus, le froid cuisant, le loup se cache derrière l'école des filles. De temps en temps, il mange une maîtresse suppléante. Le son du corps s'éteint au fond des bois. L'homme doit craindre la mort violente, la sinusite et plusieurs sortes d'allergies, conséquence de la chasse à cour, de la vie de bureau et du chauffage central. C'était Encore mieux, une série de lectures proposée par le Théâtre du Rond-Point à Paris et France Culture. Enregistrée en public le 18 juin 2015 au Théâtre du Rond-Point. Texte choisi par Jean-Michel Ribes, extrait de Un abécédaire d'Alexandre Vialat, paru aux éditions Julliard. Équipe technique, Bernard Legac et Delphine Baudet. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Remerciements à Yann Quedlot et à toute l'équipe du Théâtre du Rond-Point.